regard n'est toujours pas éteint. Sous le ciel déjà de feu emprunt, ta peau me rappelle à qui je tiens. Tes yeux me font regarder demain. La chaleur n'émane que de toi, la douceur enrobe ton âme. Serein comme le creux de ta main, du ciel descend mon destin. Du ciel descend mon destin. Attends te regarder, j'ai regagné le ciel étoilé. À te voir et à t'aimer, j'ai appris à l'accepter. Nuit de belle et tendre poésie, agenouillé pour lancer ce cri. Là où j'entendais un simple soir, ton visage resplendit d'espoir. En un soir d'été plein de dessins, tes paroles emprisonnées. Vagabond pris dans l'instant par un cœur qui me comprend, par un cœur qui me comprend. Attends te regarder, j'ai regagné le ciel étoilé. À te voir et à t'aimer, une simple peur. La prière lira ma lumière. Montre-toi, descends des nuits d'orage. Nous ne sommes qu'un passage. Nous ne sommes qu'un passage. Mais attends te regarder, j'ai regagné le ciel étoilé. À te voir et à t'aimer, j'ai appris à l'accepter. Oh, attends te regarder, j'ai regagné le ciel étoilé. À te voir et j'ai appris à l'accepter.